Bon, on va recommencer. Je vous rappelle, en passant, s'il y a des gens qui ne savent pas que Daniel donne un PMC, PMC1, demain, toute la journée, hein, Daniel? OK. Fait que les inscriptions se font ce soir. Fait que ceux que ça intéresse, vous pouvez rencontrer Mario en arrière. OK. Fait qu'on continue avec la partie de questions. On a une avalanche de questions. On passera peut-être pas au travers de ça ce soir. Première question ici qui est quand on vit une descente d'énergie, la vit-on par phase? Combien de temps le corps subit-il cette descente d'énergie? Comment retrouver la nouvelle programmation du chemin à suivre? Bon, disons tout de suite que l'homme ne vit pas une descente d'énergie par phase et que l'homme qui vit une descente d'énergie n'est jamais perturbé par la descente d'énergie, c'est-à-dire que la descente d'énergie ne vient pas opérer chez lui des malaises, des transformations qui vont tendre à assujettir l'homme à la souffrance. Par contre, la lutte, les perturbations, disons, créées par la descente d'énergie intelligente dans son atmosphère psychologique, dans son atmosphère astrale, eux autres, cette lutte va tendre à essayer de faire souffrir l'homme de façon à dynamiser, à énergiser la psychologie de l'homme, la mémoire de l'homme, de façon à faire goûter la terre encore à l'homme. Alors, disons que lorsque une énergie d'ordre supramental est attirée par les affinités mentales ou astrales de l'homme, l'énergie astrale, l'énergie psychologique de l'homme, qui tend à garder son identification et à refuser celle d'une identification plus universelle que celle qu'elle vit, cette énergie astrale va lutter, va créer des tourbillons qui vont s'exprimer par la souffrance de l'homme. Souffrance psychologique, souffrance physique, donc maladie, et à un moment donné, souffrance mentale. Et la souffrance mentale, c'est une lutte entre le mental et l'astral, et entre l'astral et l'énergie supramentale qui tend à descendre vers l'homme. Alors donc, cette descente d'énergie ne vient pas indiquer à l'homme quel chemin suivre, elle ne vient rien faire d'autre chez l'homme que d'essayer de forcer l'homme à se redresser. Il n'y a pas de chemin à suivre de particulier entre le bas et le haut. Si vous vous placez à quatre pattes et que vous avez à vous lever debout, il n'y a pas 56 chemins à suivre. Mais si vous restez à quatre pattes, il y a bien des chemins à suivre. Alors, vous pouvez en suivre des chemins qui tendent à monter des montagnes. L'ombre reste toujours l'ombre en dessous de vous. Des chemins qui tendent à vous faire passer dans des portes initiatiques, psychologiques, astrales. L'ombre reste l'ombre. Et entre le fait de se le redresser debout, il y a un chemin, ça ne prend pas de temps, c'est radical. Quand l'homme le veut, quand l'homme est prêt. Parce que l'homme est prêt quand il veut. Et l'homme ne peut pas le vouloir lorsqu'il ne peut pas le vouloir. L'homme ne peut pas le vouloir lorsqu'il n'est pas prêt. Vous voulez arrêter de fumer, vous voulez, mais vous voulez l'arrêter quand vous allez être prêt d'arrêter. Et c'est facile d'arrêter quand on est prêt. L'évolution supramentale, la croissance supramentale est facile lorsque l'homme est prêt. Mais lorsque l'homme, dans sa psychologie, tend à décider qu'il est prêt, lorsqu'il tend à dire que l'ombre, la noirceur, il la connaît, et qu'il est prêt maintenant à l'assumer, il n'est pas question d'assumer l'énergie supramentale, il est question de se redresser. Pour avoir une conscience supramentale, et il n'y a pas de chemin particulier ou de programmation nouvelle ou de quoi que ce soit, l'homme n'a qu'à se mettre debout. Les programmations que nous allons, par exemple, enseigner à l'homme lors du programme être contrôleur ou lors de différents cours qui vont de plus en plus prendre naissance dans l'ère du Verseau, des cours qui vont tendre à énergiser le mental de l'homme, ces cours servent simplement à former une espèce de glue qui va permettre au sac à dos de tomber. C'est-à-dire que ce genre de cours permet une compréhension, ce n'est pas un chemin à suivre, ce n'est pas une philosophie collective. Dernièrement, on faisait une expérience assez amusante. On demandait à une classe qui est en PMC4 de faire quelque chose de complètement hors programmation. C'est-à-dire que normalement, le monde arrive, ils ont un cours, une partie théorique, une grosse partie pratique dans une autre salle. On a des salles de pratique ici. Et normalement, ces personnes s'attendent à ça. Alors, ils ont des vêtements appropriés, ils viennent comme ils veulent. Et on leur demande subitement, comme ça, qu'ils ont 30 secondes pour décider si on fait quelque chose de totalement nouveau, d'imprévu. Et lorsqu'on demande à une collectivité quelque chose de non prévu, cela prend une demi-heure à la collectivité à décider. Parce que la collectivité, l'individu dans la collectivité dit, « Ben là, je sais pas, là, j'ai pas pensé à ça, là, j'ai pas prévu. On te demande si tu veux ou tu veux pas. Ben là, il faut que je regarde, là, je vais voir, là, j'ai le temps. On te demande si tu veux ou si tu veux pas. Ben là, les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Toi, qu'est-ce que t'en penses? » C'est ça, dans une collectivité. C'est pour ça que c'est long, les élections, qu'on fasse des gros sondages, qu'on dise que tel parti a le sondage, le ventre, pour dire à tout le monde que bon, mais si lui est plus haut, il faut que j'embarque dans le gagnant. Bon. Et à un moment donné, ça a pris quoi? 3 minutes, tout le monde était habillé, tout le monde était en bas ici du centre, tout le monde était prêt à s'en aller. Parce que les individus sont individuels, même s'ils vivent dans un groupe. Mais ils ne sont pas collectifs dans un groupe. Parce que même l'homme qui vit individuellement est collectif. Il a besoin des autres. Il a besoin de la collectivité pour vivre, même s'il vit individuellement. Il a besoin de sa radio. Il a besoin de différentes choses fournies par les autres. Il n'est pas seul. Il est collectif. Mais même l'homme individuel, lorsqu'il est dans un groupe, il peut rester individuel. Il peut prendre une décision. Qu'il aurait dit oui, qu'il aurait dit non, il aurait été individuel. Je ne dis pas que l'homme, que ceux de ce groupe de PMC étaient individuels parce qu'ils ont dit oui. C'est parce qu'ils ont répondu vite. Parce qu'ils savaient eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire. Alors, ils auraient dit non, ils auraient dit oui, ça aurait été bien. Mais s'ils disent peut-être, c'est autre chose. Alors donc, on n'a pas de chemin. C'est facile, c'est extrêmement facile. Ça n'a pas été souffrant pour personne lors de cette soirée. Ça a été facile. Qu'ils auraient dit non, qu'ils auraient dit oui, ça leur a été facile. Mais lorsque l'homme commence à douter, lorsque l'homme commence à envisager psychologiquement, lorsque l'homme commence à voir ce qu'il avait prévu, c'est frustrant. Là, moi, je m'attendais à telle affaire. Ça fait 2 heures que tu dis que t'as, on va faire tel exercice, ça va être bon. T'arrives là, puis c'est plus ça pantoute. Alors, qu'est-ce que c'est le temps de décision? Qu'est-ce que c'est le temps qui fait que l'homme n'est pas efficace, que l'homme prend son temps? Même si le temps n'existe pas réellement, autre que dans la psychologie de l'homme qui étire et qui rétrécit le temps. Ben, c'est parce que la personne, disons, lors de cette expérience, le temps aurait pu s'étirer, les personnes auraient pu envisager différentes choses, exprimer ce qu'ils envisageaient, simplement parce que le temps, c'est le temps que l'homme prend à lutter contre ses préconceptions. Je m'attendais pas à ça. Mais tu t'attendais pas à ça, puis que le temps que tu vas lutter contre ce que tu t'attendais, ça va être le temps que ça va prendre pour que tu prennes une décision. Tu dis non parce qu'immédiatement t'envisages que ça se fait pas, c'est non. Tu dis oui parce qu'immédiatement t'envisages que ça se fait, c'est oui. Mais pas peut-être. Parce que si c'est peut-être, tu n'envisages rien. Tu envisages que tu pensais pas ça. Donc, que t'avais préconçu certaines choses et que ça n'aboutit pas comme tu avais préconçu. Et d'ailleurs, c'est le problème de l'homme. Et là, la personne, tout le monde serait parti, serait resté, puis elle aurait pu, dans ses préconceptions, dire « Oh, j'aurais peut-être dû y aller. » Hein? Puis la personne qui est là, qui était sur le cheval à plein milieu de la nuit dans le bois, ben, elle pouvait se dire « Qu'est-ce que je fais ici? J'aurais peut-être dû rester chez moi. » Ou rester au centre. Ben, ce monde-là, ce sont des personnes qui sont continuellement en lutte, non, qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de savoir, qu'ils ne prennent pas de décision. Ils se font mener une décision au bout du nez. Selon ce qu'ils avaient préconçu, ils auront une décision. Donc, ils ne prennent pas de décision. On leur fait prendre une décision. Leur mémoire leur fait prendre une décision. C'est la même chose pour se relever debout, c'est quoi? À quatre pattes, l'homme peut cheminer longtemps dans bien des chemins, mais il ne sera jamais debout. Sauf s'il monte un mur, mais normalement, il ne monte pas le mur, il rentre dans le mur. Alors donc, il n'est pas plus debout. Mais lorsque l'homme décide de se redresser, il n'y a pas 50 chemins, il n'y a pas 800 religions, il n'y a pas 85 cours, il n'y a rien. Il n'y a que le fait que l'homme qui se redresse. Mais c'est dur. C'est dur, parce que la sensation du sac à dos qui glisse le long du dos, qui nous passe ses fesses, qui descend ses jambes, ça fait mal. Ça fait mal à la psychologie, parce que la psychologie voit dans cela le fait qu'elle est en train de mourir. Et elle meurt. Elle doit mourir. Vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous êtes, donc vous devrez être d'autres choses. Donc, ce que vous pensez que vous êtes doit mourir. Pour qu'enfin vous preniez conscience de ce que vous êtes, et non pas de ce que vous pensez que vous êtes. Alors, tant que l'homme te dit « je suis moi et je veux être », mais si tu veux être ce que tu veux être, il va falloir que toi tu meurs. On peut camoufler cette mortalité sous l'évolution « je vais me transformer », mais on ne se transforme pas, on meurt, puis on renaît. On est mieux ou on est pire, mais on meurt. Alors donc, la personne qui sent ce sac à dos glisser sur lui, elle souffre, c'est souffrant, c'est épeurant. Et plus que c'est épeurant, ben, la personne elle accumule cette peur et elle ramasse son sac à dos, elle l'empêche de descendre trop bas. Et puis, elle a de l'expérience comme quoi l'évolution, ça fait mal, c'est souffrant. Mais l'évolution ne fait pas mal. L'évolution supramentale, ce n'est pas souffrant. C'est la lutte contre l'évolution qui fait souffrir l'homme. C'est pas l'évolution. L'évolution, c'est facile. Réfléchir, c'est facile, mais quand vous ne voulez pas réfléchir à un problème, ça fait mal. C'est dur. Parce que là, on pense que le problème nous fait mal. Le problème nous fait pas mal. Mais quand on raisonne facilement au problème, ça fait pas mal. Mais on se refuse de raisonner vers le problème parce que si on résout le problème, on devra faire de quoi maintenant pour le matérialiser, cette solution? Alors, lorsqu'on va voir quelqu'un d'autre, on lui demande « qu'est-ce que tu penses de ce problème? » La personne n'a pas de mal à la tête. Elle ne souffre pas de raisonner sur ce problème. Mais la personne la plus adaptée, la plus efficace pour régler le problème, c'est vous. C'est votre problème, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui l'acceptez, puis c'est vous qui souffrez avec. C'est à vous de le régler. Mais l'homme se refuse de régler le problème parce qu'il devra bouger. Vous savez que la paix, c'est facile à trouver, mais l'homme est bien trop paresseux. Parce que quand on trouve la paix, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant pour être en paix. Et l'homme est trop paresseux. L'homme préfère ne pas avoir la paix, puis avoir le concept de la paix. Lui, pas dur à garder, on le met dans notre tête. On n'a même pas besoin de le vivre. Pour garder nos concepts, on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de bouger, on n'a pas besoin de respirer, on n'a pas besoin de parler. Pour garder nos concepts, on n'a rien que besoin d'y penser. C'est suffisant. Mais lorsque l'homme devient ce qu'il est, ben l'homme exprime ce qu'il est, mais exprimer ce qu'on est, c'est facile. Mais exprimer l'idée qu'on pense qu'on est, c'est souffrant. Alors, il n'y a pas de chemin. L'homme se met debout. Après, une fois qu'il est debout, il y a plusieurs chemins, mais vous verrez clair. Vous allez voir ce que sont les routes. Vous allez arrêter de marcher dedans les fossés en vous disant que ça doit être le chemin, parce qu'il y a des côtés chaque bord, fait qu'on s'en va, puis on rentre des murs tout bout de champ, mais c'est le chemin. Le chemin supramental, il n'est pas entouré de fossés, c'est bien différent. Alors, donc, à quatre pattes, on a plein de chemins. Mais il faut être debout. Puis debout, il n'y a pas 50 manières. On se lève debout. Je vous dis pas, moi, que le cours, par exemple, que j'ai instauré fait que l'homme se lève debout immédiatement. L'homme va se lever debout quand l'homme va être prêt à se lever debout, quand l'homme va vouloir. Certaines personnes vont découvrir des choses dans le programme être contrôleur. D'autres personnes ne découvriront rien. Et c'est normal, parce que l'homme est différent. Donc, il y a plusieurs formes d'expression que nous appelons des cours, des sessions, des séminaires, qui sont bonnes pour les différents hommes. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est que tant qu'une personne n'a pas expérimenté une chose, parce que présentement, l'homme évolue par l'expérimentation, il ne peut pas savoir. Et lorsque l'homme a expérimenté, il ne peut savoir que ce qu'il a expérimenté, évidemment. Il ne peut pas savoir plus. Pour savoir si l'eau est sucrée ou salée, on doit goûter à l'eau. Alors, j'en profite, j'ai soif. L'énergie supramentale, est-ce la même énergie que celle que le Nazarien a pris contact quand il a dit « tout est accompli » ou sous une autre appellation? Se pourrait-il que la descente de l'énergie supramentale corresponde au retour du Nazarien ou de l'énergie christique? L'énergie christique et supramentale sont-elles tous deux affiliées à une initiation solaire? Bon, alors il y a plusieurs questions, il va y avoir plusieurs réponses. Une chose qui est sûre, c'est que le retour du Christ ne se fera pas comme les humains s'imaginent. Le retour du Christ, ce n'est pas qu'une entité christique va descendre sur la planète avec une robe blanche, pas de robe du tout, et commencer à dire à l'homme ce que l'homme doit faire. Ce n'est pas ça le retour du Christ. Le retour du Christ, c'est que ce qui s'est passé pour le Christ va se répéter. C'est ça le retour du Christ. Ça va se répéter chez l'homme. Il y a plusieurs hommes qui vont devenir des Christ. Plusieurs Christ. Et ça, c'est le retour du Christ. C'est-à-dire que ce qui s'est passé énergétiquement à cette époque va se reproduire. Il y a plusieurs parmi vous, on vous le dit, vous êtes des Christ souvent. Il y a plusieurs qui vous le disent. C'est vrai. Pas tout de suite, mais c'est vrai. C'est ça le retour du Christ. L'énergie supramentale, est-ce la même énergie que celle que le Nazaréen a pris contact? Disons que le Nazaréen n'a jamais pris contact. Il est devenu. On ne prend pas contact avec une énergie. C'est comme si vous prenez contact au téléphone avec l'énergie supramentale. Vous n'en savez pas plus. Vous devez toujours signaler le numéro de téléphone pour avoir le contact supramental. C'est plate à mort. L'homme doit devenir supramental. L'homme ne prend pas contact avec le supramental. On emploie ces termes dans le début. Mais il ne faut pas cristalliser ces termes comme étant des réalités. Ce sont des vérités. Ce ne sont pas des réalités. Ce sont des illusions de la réalité. Ce sont des interprétations. L'homme ne prend pas contact et le Nazaréen n'a pas pris contact. Il y avait un corps humain, un animal à quatre pattes, qui tout d'un coup s'est dressé vers l'âge de 12 ans à deux pattes. Et il a vu plus de choses que ce que l'humanité de l'époque pouvait voir. Et à un moment donné, chez Joshua ben Joseph, celui qui s'appelait comme ça, a vu d'autres choses et il est mort. C'est-à-dire qu'il a laissé sa place à une énergie supérieure, à l'énergie christique. Nous pouvons dire que c'est de l'énergie supramentale. Il a laissé sa place à l'énergie christique, il est donc devenu un Christ. Une expression de l'énergie dans la matière, une expression de l'énergie christique, disons une expression de l'énergie supramentale. Et tout ce qu'on raconte sur le Nazaréen n'a pas d'importance. Ce n'est pas nécessaire de savoir qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait pour qu'on en arrive à la même place. Il a été important dans la phase involutive de l'homme que l'humanité essaie de plagier, de copier, d'emprunter la vie du Nazaréen pour s'imaginer devenir le Nazaréen. On n'a jamais eu d'autre Christ que ceux qui ont copié le Nazaréen, qui se sont fait crucifier au lieu de s'occuper des enfants, ou au lieu de travailler, ou au lieu de se promener puis de respirer convenablement. Alors, ils se sont fait crucifier sur des croix, on a essayé de copier par la psychologie, dans notre tête, de prier, d'entrer en contact. Ce n'est pas ce que l'homme doit faire. Lorsque le Nazaréen dit à ses apôtres, Vous ferez un jour ce que je fais et beaucoup plus. Mais c'est normal. Mais l'homme qui continue à croire qu'en s'affiliant à l'énergie du Nazaréen et non pas à l'énergie christique, va faire plus, il se trompe, il se leurre. Vous pensez-vous que le Nazaréen, c'est par la foi qu'il a réussi, c'est par le travail qu'il a réussi, le Nazaréen? Parce qu'il a compris, parce qu'il a vu, parce qu'il a renié Satan, parce qu'il a renié le ciel, parce qu'il a renié tout ce qui avait à être renié. Parce qu'il a dit, parce qu'il comprenait, parce qu'il pouvait le dire, que ces choses étaient des illusions. Dieu dans le ciel, c'est une farce. Dieu dans les cieux, c'est autre chose. À un moment donné, je suis. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien, je suis. Et ce n'est pas parce qu'il l'a dit qu'il est devenu, il l'a dit parce qu'il l'était. Alors le fait que nous, dans notre psychologie, on dit « je suis cave », on n'est pas mieux que ça. Et ce n'est pas parce qu'on dit « ah, Jésus vient m'aider » ou etc. Il n'y a pas question d'aide. De voir que ça se fait, c'est bon pour la psychologie de l'homme, parce que l'homme peut se dire « ça se fait ». Et dans la phase évolutive de l'humanité, il était normal que l'humanité s'associe à des rythmes, s'associe à des croyances collectives, s'associe à des divinisations de personnes non divines. Alors Bouddha est devenu un dieu. Le Nazaréen, ben, il est devenu le fils de Dieu. Parce qu'on l'a trop connu. Et ce qu'on connaît, on ne le place pas trop haut. Alors donc, il y a toujours eu Dieu en haut, même si lui a dit « je suis ». Et « je suis pas le fils, je suis ». On n'est plus le fils à un moment donné. Tant que nous sommes les expressions de ceux qui nous ont créés, tant que nous sommes exactement comme nous avons été créés, nous sommes des fils. Mais à un moment donné, nous devenons exactement comme le Créateur. Et à un moment donné, nous devenons supérieurs au Créateur. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est ce qu'il y a de plus évolué. C'est ce qu'il y avait de plus évolué dans l'univers qui nous a créés. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est ce qu'il y a de plus haut qui nous a créés. C'est ce qu'il y avait de plus évolué, mais pas de plus haut. Il y a d'autres choses en haut de ça. Alors donc, le Nazaréen, à un moment donné, c'est simplement mort. Il a été désintégré, il n'existait plus. Il n'était plus le fils du charpentier, il était devenu le fils de Dieu. Donc il était mort, le fils du charpentier. C'est-à-dire qu'il n'était pas mort. Il s'était transformé. Il avait laissé sa place à une conscience christique, à une conscience supramentale et non pas une conscience planétaire, à une conscience individuelle, à une conscience de menuisier, à une conscience de fils d'homme. Mais il a laissé la place, c'est-à-dire qu'il est devenu conscient de son être-té qui était au-delà de son premier créateur, son père et sa mère. Donc, il a vu qu'il était une énergie inférieure, mais supérieure à l'homme, mais inférieure à d'autres choses. Alors, à 12 ans, il a dit « je m'occupe des choses de mon père ». Ça ne voulait pas dire qu'il faisait la voix de son père, il s'occupait des choses de son père, de régler des comptes. Et à un moment donné, le Nazaréen ne parlait plus du père dans le ciel, parce que le ciel, c'est notre astral planétaire, c'est là-dedans que se fait l'expérience planétaire. Il était devenu le Dieu dans le ciel. Et il parlait de son père dans les cieux. Et là, on parle de l'énergie supramentale. Et c'est l'essence christique, disons, qui donnait une connotation supramentale au Nazaréen. Et lui, il a continué à se redresser de plus en plus debout. Tous les reproches, les blâmes que l'ego reçoit lors d'une conférence comme la tienne ou de d'autres, ou qu'on ne le dit pas responsable, alors pourquoi ces reproches? Doit-on reprocher avant ou après qu'ils comprennent, ou est-ce que les reproches sont des ondes de choc pour la prise de conscience? Bon, premièrement, je ne fais aucun reproche. Je ne blâme pas, je ne fais aucun reproche. Par contre, l'ego se sent agressé, parce que l'ego s'identifie dans les illusions que j'ai l'air d'attaquer. Mais je n'attaque pas personne. C'est comme de dire la cigarette, c'est mauvais. Alors là, il y a un ego qui se sent frustré. Mais j'ai pas dit que personne n'était mauvaise. Puis la cigarette, c'est mauvais. Le fait de trop manger, c'est mauvais. La personne n'est pas mauvaise. Le fait d'assassiner quelqu'un, c'est mauvais. Mais le criminel n'est pas mauvais. L'acte, lui-même, est mauvais. C'est pas le criminel. Alors donc, lorsque l'ego reçoit, lors d'une conférence, comme la mienne ou comme d'autres, des reproches, il se crée lui-même ses reproches. Ce que je dis n'est pas tout à fait dans l'ordre de sa conscience. Donc, automatiquement, l'ego expérimente, parce que c'est pas théorique ce qu'on fait présentement, c'est pratique. C'est expérimenté par l'ego. La pratique, c'est pas juste quand le corps bouge. C'est quand il y a expérimentation, donc mémorisation. Alors donc, cela devient une expérience. Et ce qui arrive, c'est que l'ego lui-même, lorsque il voit ce qu'il voit d'un autre point de vue, qui vient suffisamment rapidement pour qu'il n'ait pas trop le temps de placer de barrière, il se sent un peu bouleversé, il se sent agressé. Mais on ne reproche pas à l'ego. Si, par exemple, vous faites quelque chose et que quelqu'un d'autre vous dit « mais vous le faites mal », est-ce que c'est un reproche ou une constatation? C'est pas un reproche. La personne peut dire « Ah bon, alors comment dois-je faire? » Alors on lui montre. Et si elle fait encore mal, la personne qui sait plus vient lui dire et on lui montre. Mais si la personne ne peut pas souffrir le fait qu'elle fasse mal, ben là, évidemment, le patron vient lui faire un reproche. Selon elle, mais c'est pas un reproche. Si votre enfant arrive avec la pinte de lait à l'envers, en dessous du bras, prête à s'ouvrir, ben vous lui dites de la mettre à l'endroit et pas trop l'écraser. Pas un reproche. Puis si lui vous répond, ben la prochaine fois, tu iras le chercher. Ben lui a pris ça comme un reproche. Mais c'est pas de reproche, c'est pas de reproche. On reproche à rien à personne. Vous êtes mauditement mieux que vous pensez être, mais vous vous pensez tellement bas que vous pensez toujours qu'on vous fait des reproches, que vous vous sentez culpabilisé. Vous vous sentez tellement de choses que vous vous refusez de voir la vie d'un autre point de vue à un moment donné. Un point de vue qui parle un peu plus de lumière. Et c'est pas du positivisme que je vous dis là. Mais l'homme le refuse. L'homme le refuse simplement parce que l'homme a une identité qu'il défend tellement qu'il ne veut pas que son ego, qu'il ne veut pas que ses concepts se voient attaqués, se voient agressés, se voient transformés et se voient détruits. Alors donc, l'homme pense qu'on le reproche. Je m'adresse à ce qui est mauvais en vous. Mais tout ce qui est bon en vous, on parle pas, on reproche rien. Puis est-ce que c'est mauvais, on le reproche pas non plus, mais on en parle, à un moment donné, ça va démolir. Si je dis à quelqu'un d'arrêter de broyer parce que ça sert à rien, c'est un reproche que j'ai fait ou c'est une constatation? Ça dépend du cas, mais habituellement, s'il pleure parce qu'il a des cochonneries dans les yeux, c'est bon, mais autrement, ça sert à rien. Sauf s'il veut manipuler quelqu'un pour avoir ce qu'il veut. Alors, je ne fais pas de reproche, on ne fait pas de reproche. L'ego se sent attaqué, mais il n'y a pas de reproche. Et de ce fait, les reproches, c'est-à-dire que l'apparence illusoire de reproche devient un onde de choc qui brise. Remarquez bien que chaque fois qu'il sort, disons, un reproche, mais je répète qu'il n'y en a pas, attaque votre ego, ben à un moment donné, il va détruire ce qu'il attaque. Sinon, ben vous allez vous sauver, vous ne reviendrez plus. Alors là, il n'y a plus de danger. Ça va démolir pareil, mais plus loin, plus tard. Mais quand c'est détruit chez vous, vous n'en souffrez plus. Vous êtes plus libre. Vous êtes beaucoup plus libre. Donc, faut pas avoir peur. La petite souffrance, c'est la lutte que va opposer l'ego à cette attaque. Mais si je vous dis qu'il n'y a pas de choses laides et qu'il n'y a pas de choses belles, il n'y a que des choses, ça frappe. Mais à un moment donné, quand vous allez voir les choses comme elles sont, bien, vous souffrirez plus jamais de la beauté et de la laideur. Ce sera pas plate. Ce sera pas plate de pas souffrir. Vous allez voir que c'est drôlement mieux. Puis drôlement, guillemets, plus beau que ce que vous voyez comme beau. Mais en attendant, évidemment, la personne qui s'est habillée pour être belle, ben si je dis qu'il n'y a pas de beauté et pas de laideur, ben elle s'enlève. Mais on ne l'a pas agressée, on n'a rien fait. Il y a une esthétique de la forme, mais il n'y a pas de beauté. Existe-t-il une influence réciproque entre l'astral de l'homme et celui de la planète, ainsi qu'une interperturbation? Bon, disons que prochainement, on va répondre à cette question dans la conférence La planète Terre, la Terre, un être en évolution. Je crois que c'est, tout à l'heure, on a dit que c'est la semaine prochaine, donc je ne suis pas trop sûr, on verra. Alors, ce qui fait que je ne veux pas, disons, attaquer ce problème immédiatement, parce que c'est un problème, c'est une question qui doit être posée, c'est une question qui est primordiale pour que l'homme arrive à différencier l'illusion de son évolution individuelle dans une évolution collective et pour que l'homme puisse prendre conscience qu'il évolue individuellement pour l'expérience évolutive d'un concept planétaire, d'un contexte planétaire, pardon. Donc, l'homme n'est pas un être qui évolue pour se sauver. L'homme est un être qui expérimente pour sauver beaucoup plus que lui-même, beaucoup plus que l'humanité, beaucoup plus que la planète Terre, et j'en dirai pas plus, parce qu'on me prend pour un fou, mais l'homme n'est pas là pour se sauver lui-même. parce qu'il y a plusieurs personnes, pourquoi pensez-vous qu'à un moment donné, on a des initiés, supposément des grands maîtres, qui arrivent à des points où ils pourraient nous laisser tomber, puis qui ne nous laissent pas tomber? Ah, parce que dans un autre plan, ils ont décidé, parce qu'ils nous aimaient bien, même si on les avait crucifiés, puis tout ça, ben de venir nous aider. C'est pas pour ça. C'est parce que leur évolution individuelle, ils se rendent compte à un moment donné que c'est pas ça l'affaire. Ils n'évoluent pas tout seuls. Ils sont pas là pour se sauver. Ils peuvent pas se sauver s'ils sauvent pas le reste avec eux autres. Parce qu'ils sont pas seuls. Ils sont bien d'autres choses. Alors, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment qu'ils reviennent. C'est parce que c'est de l'amour ésotérique. Ils sont attirés par nous autres. Ils ont besoin de nous autres. C'est de l'amour comme l'homme. On aide ce qu'on a besoin. Alors donc, ces maîtres, ces initiés, lorsqu'ils découvrent qu'ils ne peuvent pas évoluer tout seuls, parce que la planète Terre doit évoluer, l'humanité doit évoluer. Et pour que l'humanité évolue au même point qu'eux autres, ce n'est pas en leur donnant des bribes d'évolution, c'est en les laissant faire leurs propres expériences pour qu'à un moment donné, chaque être, chaque expression individuelle de cette expression planétaire finisse par se dégager de la matérialité, de l'attraction planétaire et finisse par redevenir une partie. On dit qu'on est une partie de Dieu. On est premièrement une partie de la planète Terre. Et c'est la planète Terre qui évolue. Évidemment, tant que l'homme veut être individuel, tant que l'homme refuse de dire qu'il doit faire évoluer le reste au complet, en réalité, il ne fait pas évoluer, mais qu'il arrête au moins de l'empêcher d'évoluer. Alors donc, lorsque l'homme pense qu'il évolue tout seul, graduellement, et qu'à un moment donné, il se sépare, et qu'il va rejoindre Dieu, et qu'il devient une parcelle de Dieu, pour devenir une parcelle de Dieu, il devra perdre l'identité qu'il a lui-même, et avant tout, il devra devenir, avoir une conscience planétaire, ce qui veut dire qu'il sera la planète. Et il aura une conscience solaire, il aura une conscience galactique, il aura une conscience plus grosse à un moment donné. Mais pour avoir cette conscience, cela veut dire qu'on a tous la même conscience, et donc on est tous le même être. On est télépathiquement reliés d'une façon complète et globale, donc on est le même être. Présentement, vous êtes reliés télépathiquement avec vous. Donc vous êtes un. Vous n'êtes pas deux. Et vous ne voyez pas de télépathie. Mais présentement, ayant une conscience tout à fait polarisée, tout à fait séparée de la conscience, non pas collective, globale, ce qui est différent. Lorsque l'homme a une conscience collective, il perd un peu son identité et il se relie non pas à une globalité réelle, mais à une conception de cette globalité, qui peut être une religion, une philosophie, un enseignement, et l'homme est collectif. Mais même cet homme collectif, qui n'a pas une conscience planétaire, une conscience globale, cet homme collectif garde une conscience individuelle de lui. Mais il n'a pas une conscience, il n'est pas un être, un individu séparé qui a une conscience globale. Donc, il a une conscience individuelle, c'est-à-dire qu'il dit « je suis ». Mais cette conscience individuelle, elle est placée dans une conscience collective astrale qui lui donne l'illusion qu'il est un être à part, alors qu'en réalité, cet être à part est manipulé par les lois de l'ensemble. Et lorsque l'homme, lorsque vous autres, vous essayez d'entrer en communication télépathique, la télépathie, ça se fait à la vitesse de la pensée. C'est instantané. Et si c'est instantané, cela veut dire qu'en même temps, vous pensez à la même chose. La télépathie, c'est ça. C'est pas qu'on regarde quelqu'un puis qu'on lui dit « Bon, alors, je te parle, je sauve 25 scènes et puis je te parle. » Ce n'est pas de la télépathie, ça. C'est la manipulation astrale, mais ce n'est pas de la télépathie. On peut manipuler un individu pour lui faire faire des choses. Mais ce n'est pas de la télépathie, pas comme on l'entend, pas comme on devra l'entendre au niveau... pas comme l'homme du Verseau, pas comme l'homme nouveau va l'entendre. Alors donc, lorsque, à un moment donné, vous entrez en contact télépathique immédiat et total, réel, avec quelqu'un, vous pensez tous les deux en même temps la même chose. Vous êtes un. Mais vous ne le savez pas. Alors donc, vous pensez toujours que vous êtes télépathe. Et à un moment donné, l'homme aura une conscience planétaire, c'est-à-dire qu'il aura conscience de tout ce qui se passe à l'échelle de la planète, c'est-à-dire qu'il aura pas une omniprésence, mais une planète présence, c'est-à-dire qu'il aura une présence planétaire globale, donc quelle que soit la chose qui va se passer à l'échelle de la planète, l'homme le saura. Mais pour ça, il devra perdre la conscience individuelle d'une corporalité animale qu'il supporte pour l'instant. OK. Une question aussi qui a trois pages. Je vais vous la lire parce qu'elle est appropriée avec la conférence d'asseoir. L'ego semble... Je peux aller aux toilettes pendant que... Tu as quasiment le temps. Non, l'ego semble celui qui cause des problèmes, plus souvent qu'autrement. Alors, pourquoi pendant... Permets-tu que je t'arrête de temps okay. en temps? OK, ça marche. Sinon, il faut qu'on le relise. OK, je vais finir. Tu recommences. L'ego semble celui qui cause des problèmes, plus souvent qu'autrement. Alors, pourquoi pendant X années, l'a-t-on laissé faire quasiment n'importe quoi, souffrir mille et une manières? Pourquoi lui donne-t-on l'illusion qu'il contrôle lorsqu'en fait il ne contrôle rien que l'illusion d'être lorsqu'il n'est pas? Il ne contrôle même pas l'illusion d'être, il subit. Okay. Il subit l'illusion d'être, il ne le contrôle pas. OK. Tu veux-tu la commenter plus loin ou si je continue l'autre? Continue, c'est beau, comme une autre facette, là, j'ai ici. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, on pourra revenir. OK. Pourquoi permettre son identification s'il ne doit pas? Pourquoi lui donner l'illusion du libre-arbitre lorsqu'il n'en a pas? Pourquoi l'ego, en fait? Où est l'utilité d'être rien? Pourquoi l'ego est-il un être vivant mort-né s'il n'a pas, s'il n'a que l'illusion de vivre et qu'il ne vit pas? On arrête là. Il y a une troisième étape. Une troisième étape. Commençons par là. OK. Alors, premièrement, l'ego, le monde de l'illusion, dans l'expérience planétaire, c'est une réalité. Et l'ego, réellement, explore cette réalité. Qu'est ce monde d'illusion? Illusion qu'il a créé, illusion qu'il entretient, et illusion qu'on a aidé à énergiser, simplement parce que, dans la vision de l'ego, dans la vision explorative de l'ego, qui recherchait l'expérience à l'origine, lorsque l'ego était suffisamment énergisé, il savait ce qu'il faisait. Mais on n'avait pas d'ego psychologique comme on a là. Mais lorsque cette énergie lentement s'est densifiée, elle s'est pluralisée de par la vision obligée par la matière, c'est-à-dire que Dieu, une fois planétaire, une fois matériel, a dû être limité par les possibilités matérielles de la perception. Donc, l'homme est apparu. C'est-à-dire que différentes possibilités d'expérimentation sont apparues, différentes possibilités de perception de la matière sont apparues, ce qui fait que on a eu des yeux partout, ce qui est l'homme. Mais pourquoi l'ego a-t-il été densifié? Pourquoi on a créé ce monde d'illusions? C'était simplement pour donner un cadre dans lequel l'homme va pouvoir évoluer, l'homme va pouvoir cheminer, surtout, car en réalité, l'homme évoluait, mais pour lui, il cheminait, il évoluait, il recherchait des divinités. Et on a donné un cadre pour que l'homme ne puisse pas voir la réalité, parce que l'homme aurait automatiquement tenté de rejoindre cette réalité, alors qu'en fait, l'expérience humaine était de rester dans ce cadre planétaire pour explorer jusqu'au dernier, la dernière partie de conception d'un atome de ce qu'était la matière. Alors donc, on a créé un monde d'illusions de façon à interdire à l'homme de pouvoir voir la réalité pour que, voyant la réalité illusoire, ce que lui a appelé la réalité, mais qui en fait était un cinéma, un cinéma créé pour lui, un théâtre. Et l'homme, dans ce théâtre, a exploré ce qu'il devait explorer, c'est-à-dire ce que, appelons-les par énergie intelligente, ce que les énergies intelligentes ont voulu que l'homme explore. Donc, de ce fait, l'homme est capable de choisir un peu la pièce de théâtre dans laquelle il va vouloir évoluer, cheminer. Lorsque l'homme se réincarne, lorsque l'homme revient, l'homme choisit un peu la pièce de théâtre dans laquelle il vient, et l'homme n'a pas conscience que cette pièce de théâtre est une illusion. Il a un certain degré de conscience de l'illusoire solidité de la matière, mais il n'a pas de conception réelle de l'illusion globale de son monde d'évolution. Même le monde des morts est une farce. L'homme ne meurt pas, mais l'homme croit mourir, et dans ce monde des morts, il envisage l'illusion matérielle. Mais il n'envisage pas l'illusion mortuaire dans laquelle il vit. Et c'est normal, il est dedans. Alors, il ne peut pas l'envisager, il envisage celle qu'il a quittée. Et donc, l'homme, on a créé, c'est-à-dire qu'on a obscurci, on a donné une initiation lunaire à l'homme, on a obscurci la lumière solaire, donc la lumière intelligente, pour que l'homme, dans ce cadre, puisse y rester, croyant qu'il était dans un monde réel, authentique, alors qu'authentiquement, il était dans un monde illusoire. Et cela était nécessaire. Et dans ce monde d'illusion, l'ego, qui crée aussi l'illusion, c'est-à-dire l'ego, qui est venu au monde du fait de l'accumulation de l'expérience, du fait de l'accumulation des mémoires. Alors, plus on a de mémoire, plus on s'identifie. Si je suis un technicien et j'ai des mémoires de technicien, je peux dire « je suis un technicien ». Et lorsque j'ai expérimenté aussi le vécu de l'homme, de l'enfant, jusqu'à maintenant, je dis « je suis un homme ». Je suis un terrien lorsque j'expérimente la planète Terre, lorsque je vois sa photo, lorsque j'apprends que je suis sur une planète. Je suis terrien. Et je fais partie d'un système solaire lorsque j'apprends. Donc, plus l'homme a de mémoire, plus l'homme s'identifie. C'est le phénomène de l'ego. Et cela est permis parce que cela est nécessaire. C'est comme si on demandait, pourquoi permettons-nous à une personne de prendre tel médicament si ce médicament-là a des effets secondaires? Mais on expérimente. Alors donc, cela est permis, ce n'est pas fou. C'est extrêmement intelligent, pas pour l'homme, pas pour celui qui essaie le médicament, mais pour le médecin, c'est intelligent. De temps en temps, en tout cas. Alors donc, ce qui arrive, c'est que ce nuage, ces illusions, ce monde de farce, ce monde qui existe, le monde de l'illusion existe, sauf que l'homme ne le perçoit pas comme il est. Et c'est là l'illusion. Cela ici, ça existe, mais c'est que ça n'existe pas non plus. C'est-à-dire que l'énergie qui vient créer cette table, elle est vraie. Mais cette table, elle est fausse. Mais l'énergie qui la crée, elle est vraie. Exactement comme si je vous dis, cela a pu être aussi, remarquez bien, toutes les formes que j'ai émises par la parole, parce que les mots, ce sont des formes, cela, l'énergie qui a été émise, elle est vraie. Mais la forme que cela a créée chez vous, alors, ça peut être de l'illusion. Mais l'énergie, elle est vraie. L'énergie, elle est vraie. Le verre ne représente pas l'énergie. Il représente l'un des degrés les plus bas de la réalité. Et moi, je crois que c'est l'un des degrés les plus hauts. Ou l'un des degrés, sinon les plus hauts, mais du moins très hauts, de l'énergie. Je crois que la matière, elle est réelle. Elle sait que je m'empêche de traverser ce mur. Donc, même si je dis c'est bas, c'est tellement bas que c'est haut aussi, parce que j'y crois en maudit. Alors donc, l'homme, il croit tellement que son corps physique a une importance pour lui. Et cette illusion, elle est nécessaire, même si elle est réelle. Donc, c'est pour ça qu'elle est nécessaire, parce qu'elle est réelle aussi. Il n'y a rien qui existe qui ne soit pas vrai. Mais par contre, tout ce que l'homme perçoit est mal perçu. Et dans ce monde perçu par l'homme, c'est de l'illusion. Et cela est essentiel pour que l'homme ne pense pas quitter immédiatement. Si l'homme verrait clair dans l'état où il est, l'homme évoluerait rapidement. L'homme n'est pas un être débile. L'homme évoluerait rapidement, mais on fait tout pour que l'homme n'évolue pas rapidement. Et d'ailleurs, il y a même des entités sur la planète qui font même tout pour que l'homme n'évolue pas du tout. Mais ceux-là, ils sont un petit peu, ils n'ont rien compris. Le phénomène, ce sont les entités astrales, le mécanisme astral qu'à un moment donné, on devra détruire, on devra piler dessus. Mais effectivement, l'homme, présentement, si l'homme se verrait dégagé de son illusion, instantanément, il disparaîtrait. Instantanément, il serait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup supérieur à ce qu'il imagine être supérieur. Et cela ne peut pas se faire parce que l'homme est là pour expérimenter au nom d'une galaxie quelque chose. Mais l'homme est suffisamment présentement, même dans ce mécanisme d'illusion auquel il arrive difficilement à s'échapper, auquel il n'arrive même pas du tout à s'échapper, l'homme est suffisamment présentement énergisé par l'intelligence qui l'a placé ici. Et soit dit en passant, vous avez consenti, mais évidemment, vous, une entité a consenti, cette entité maintenant, c'est toutes nous autres. Alors donc, présentement, l'homme a suffisamment d'énergie pour commencer une croissance supramentale, c'est-à-dire pour commencer à se redresser, pour commencer à se remettre debout. Et se remettant debout, l'homme dominera, l'homme sera un des êtres les plus, disons dans le vocabulaire humain, ce sera l'être où l'homme, l'humanité, fera partie des êtres les plus supérieurs de plusieurs, disons ce qu'on appelle un univers ou un super-univers. Parce que l'homme sera le seul à connaître le haut et à connaître le bas. C'est-à-dire que l'homme sera le seul à savoir dans l'univers. Les autres ne savent pas. Même les extraterrestres qui viennent pulluler chez nous ne savent pas. Ils viennent ici pour avoir un contact avec l'homme. Ils ont une apparence matérielle, mais en réalité, ils n'en ont pas une. C'est pour ça qu'ils peuvent voyager plus rapidement dans la matière que l'homme. Et ils viennent essayer de nous têter de l'information. Ce ne sont pas les êtres supérieurs. Ils ont une connotation supérieure de par leur possibilité matérielle dans notre contexte planétaire. Mais ils ne connaissent pas la matière. Et nous connaissons la matière. Nous la souffrons depuis des millions d'années, la matière. Nous la connaissons, nous sommes supérieurs à eux. Pas présentement, peut-être. Mais l'homme est un être, l'homme est une entité, l'homme est un esprit, l'homme est une fondamentalité de l'univers, de l'évolution de l'univers. Et présentement, l'homme, pour pouvoir devenir cette fondamentalité, d'ailleurs il l'est devenu, maintenant il doit s'en sortir, il doit se redresser. L'homme a dû vivre dans un monde totalement illusoire, dans un monde de l'heure, pour qu'il reste dans la matière, pour continuer son expérimentation. Et l'homme, présentement, doit maintenant... C'est fini, l'expérimentation, là, c'est fini. Mais l'homme veut continuer à expérimenter. Pourquoi? Parce que dans l'expérimentation humaine, il y a une chose catastrophique, non, mais disons égocentrique, égoïque, une chose énorme qui a été créée, et c'est normal, on va la balayer à un moment donné, et c'est l'astral planétaire. C'est l'égrégore, c'est l'ego planétaire. Et cet ego, cet astral planétaire, tend maintenant à empêcher son créateur, l'homme, de se libérer. Vous ne voulez pas que Dieu aille sur une autre planète et qu'il nous quitte pendant 200-300 ans. On veut qu'il reste ici, on va y faire des offrandes, on va l'attirer, on va prier. C'est ce que l'astral fait avec l'homme. Il ne veut pas que le créateur de cet astral planétaire quitte, disparaisse. Et on va le détruire. Il n'y a pas le choix. Mais présentement, on a donc ce phénomène qui tend à empêcher l'homme de se redresser, qui tend à peser sur l'homme, qui tend à noircir la face de l'âge de fer, l'âge noir de l'humanité, qui tend à empêcher l'homme de vivre l'initiation solaire. Et ça, c'est l'initiation lunaire qui empêche cela. C'est les formes de l'astral, les initiations astrales, et toute la vie de l'homme, la vie psychologique de l'homme. L'homme va arriver à s'en dégager lorsque l'homme n'aura plus de vision polarisée, lorsque l'homme n'aura plus de vision dualiste de ce monde. Quand est-ce que l'homme aura plus de vision dualiste? Ben lorsque les récepteurs qui permettent à l'homme de connaître, d'analyser ce monde, son cerveau entre autres, ne seront plus en affinité avec la conscience de l'homme. Présentement, l'homme a une conscience qui est commune. L'homme a une conscience qui est en rapport avec ses facultés intellectuelles, avec ses facultés neurologiques, pour être plus précis. Parce que si, présentement, on vous triture un peu le cerveau, ben vous n'aurez plus le même état de conscience. Et si vous avez un cerveau supérieur, vous aurez un état de conscience supérieur, ou plus vaste, donc supérieur. Mais présentement, donc, l'homme a un état de conscience qui est en relation avec ses capacités cérébrales, et c'est pas mauvais, c'est très bon. Mais ces capacités cérébrales donnent à l'homme, de par leur fonction, de par leur formation biologique, une vue duelle, une vue polarisée, dans le beau et dans le laid, par exemple, dans le loin et dans le proche. Et c'est là que apparaît l'illusion. Et cela est tout à fait normal, cela est correct. L'ego manipule rien, il est manipulé, et il croit manipuler, mais il manipule pas. L'ego désire ce qui existe, il désire jamais ce qui n'existe pas, donc il faut que ça existe pour qu'il puisse le désirer. Alors il pense le manipuler, mais il manipule pas. Lorsqu'il y a des eaux, l'ego possède un verre, il fallait que le verre existe, sinon il n'aurait pu le posséder. Il n'y a pas de créativité dans l'ego. L'ego ne peut pas créer. L'ego est manipulé. L'ego crée dans la matière à partir de la matière, donc il transforme. Mais il transforme la matière qu'il a. Il ne peut pas transformer un bloc de béton, il doit prendre de la gaze. Alors donc, l'ego est manipulé. Il fait ce qu'on lui permet de faire. Et dans ce qu'on lui permet, lui pense que c'est lui qui le désire. Mais il désire ce qui existe. Il ne peut pas désirer ce qui n'existe pas. Parce que l'ego ne peut pas créer. Et c'est tout à fait correct, normal. Imaginez-vous, si l'ego marchait comme qui est présentement, là, s'il pourrait commencer à créer, qu'est-ce que vous créerez, sa terre? On crée déjà ces choses qui sont tellement pas correctes. Qu'est-ce que l'homme irait créer si l'homme aurait le pouvoir de créer dans la matière à partir de quelque chose qui n'est pas matériel? Donc, de rien. Ça ne peut pas se pouvoir. Bon, le troisième volet de cette super question. Pourquoi faire comprendre à l'ego? Pourquoi l'expérience de l'homme? Et y a-t-il un réel danger que l'ego s'accapare des outils que tu donnes à chaque vendredi si l'ego n'est rien? Non, voyez-vous, l'ego ne peut pas s'accaparer d'outils que je donne ou que d'autres conférenciers donnent, étant donné que l'ego n'est pas suffisamment intelligent pour s'en accaparer. C'est-à-dire que l'ego ne peut qu'avoir l'illusion qu'il s'accapare d'outils, que l'ego peut avoir l'illusion qu'il comprend des mécanismes, mais de toute manière, à un moment donné, l'ego, cela peut être un peu souffrant, mais l'ego aura quand même à se rendre compte. Qu'est-ce qui est souffrant chez l'ego? C'est lorsqu'il se rend compte que ce qu'il avait, il ne l'a pas. Qu'il pensait qu'il existait alors qu'il n'existait pas. Qu'il pensait qu'il vivait alors qu'il ne vivait pas. Alors donc, il n'y a aucun danger, parce que l'ego, en fin de compte, ce n'est qu'un critère, c'est un ordre, c'est une perception dualiste opérée par le corps, opérée par différentes énergies qui essaient d'analyser ce qui est vu. Et l'ego ne peut pas se servir des outils, c'est-à-dire que présentement, dans l'époque d'évolution où les égos qui posent des questions comme ça sont placés, ils ne peuvent pas se servir de ces outils pour nuire. Ils pourront se servir, ils pourront devenir, disons, ce que nous pourrions appeler des martyrs du supramental, c'est-à-dire des martyrs entre la libération de l'homme nouveau, de l'homme ancien, de l'homme piscéen, de l'homme poissonique, vers l'homme, versique ou aquarien. Mais cette personne ne risque rien, elle ne risque rien réellement, elle ne peut pas rien causer non plus. Parce que le pire qui peut arriver avec une personne qui se sert mal, donc un ego qui s'emparerait de mécanismes de choc, d'outils, ben, elle irait détruire chez l'extérieur jusqu'à temps qu'elle se fasse détruire, c'est-à-dire qu'elle irait donner des claques jusqu'à temps qu'elle en mange. Et détruire, il n'y a rien là à détruire, c'est super détruire, Adolf Hitler a détruit. Et qu'est-ce qu'il a fait, Adolf Hitler? Il a simplement permis à l'humanité d'arriver dans un schéma encore plus matériel, donc il a précipité le mal. Il était manipulé, évidemment. Et lorsque l'homme brise des formes à l'extérieur, il ne fait que travailler vers la libération de l'homme. Lorsque l'homme a suffisamment souffert qu'il ne peut plus souffrir la souffrance, il est libre. Mais pour que l'homme en arrive là, on doit brûler chez lui tout ce qu'il peut souffrir. Et l'homme sera libre. Adolf Hitler, évidemment, était un tyran, c'était un maniaque, c'était un imbécile. Il était manipulé de A à Z et même plus loin, avant les lettres puis après les lettres. Mais il a quand même servi la cause de l'évolution, parce qu'il a précipité l'évolution. Évidemment, une personne, on en aura plus maintenant d'Adolf Hitler, on n'a plus besoin de ça. Avez-vous besoin de ça? On n'aura plus de guerre dans le genre. On parle d'apocalypse, mais disons que c'est autre chose. Mais présentement, la personne qui... l'ego ne peut pas s'accaparer d'outils. L'ego n'est pas libre de se servir de ces choses-là. Il est libre de penser qu'il s'en sert. Et dans le fait qu'il pense qu'il s'en sert, il ne peut pas faire grand-chose de dangereux. De toute manière, une chose qui est très fondamentale, tout ce qui pourrait réellement servir l'ego, je ne le dis pas. Avant la fin du siècle, changerons-nous de niveau de conscience en tant que collectivité ou simplement en tant qu'individu? Et cela n'a pas d'importance. Le siècle va finir, et si je vous réponds oui, il va finir de toute façon. Et si je réponds non, il va finir quand même. Que j'ai dit ou que je n'ai pas dit. Donc, présentement, ce soir, je peux dire oui, ça va rassurer un peu le monde, et dans 20 ans, vous allez l'avoir oublié. Alors, donc, je ne suis pas menteur. Et si je dis non, c'est la même chose, sauf que si je dis non, ça va... Alors, je vais donc dire oui. Pour rassurer. Mais en réalité, cela n'a vraiment aucune importance. L'homme sera l'homme individuel. Regardez bien ceci. Avant la fin du siècle, changerons-nous de niveau de conscience? Donc, collectivement, allons-nous changer? Alors, c'est une question déjà qui intègre la collectivité, l'évolution collective à l'intérieur de la question. Changerons-nous et non pas est-ce que je vais changer? Pourquoi non pas est-ce que je vais changer? Et là, je ne veux pas attaquer la personne qui pose la question. Là, je profite. De toute façon, vous la posez toute aussi. Alors, je vous l'écrivais ou non. Donc, avant la fin du siècle, changerons-nous de niveau? Pourquoi la personne n'a-t-elle pas écrit « Est-ce que je vais changer? » Parce qu'elle s'est dit « Voyons, il ne peut pas le savoir. » Alors, si elle ne peut pas le savoir pour une personne, comment puis-je le savoir pour tout le monde? Cela n'a aucun sens. Et donc, c'est vrai. Conscience en tant que collectivité ou simplement en tant qu'individu. Mais la conscience collective, elle va devenir individuelle, c'est-à-dire qu'elle va disparaître et elle va mourir lorsque l'homme aura une conscience plus planétaire, lorsque l'homme perdra la conscience collective individuelle qui l'habite. Mais le fait de savoir si la collectivité aura une conscience individuelle, on s'en fout. De toute manière, jamais la collectivité n'aura de conscience individuelle. Pensez-y bien, il n'y aura plus de collectivité. La collectivité n'aura jamais de conscience individuelle, c'est évident. En rapport avec la première partie, là, ici, y a-t-il des maladies ou des symptômes physiques reliés à l'entrée de cette énergie supramentale dans l'homme? Bon, tout à l'heure, j'ai un petit peu expliqué les mécanismes qui faisaient qu'on avait des symptômes pathologiques. Lorsque les mécanismes évolutifs, les mécanismes, disons, qui tendent à garder l'homme comme il est, les mécanismes d'identification, les mécanismes révisionnaires de l'homme, de l'évolution de l'homme, lorsque ceux-ci vont lutter, vont tendre à exprimer de l'astral, vont tendre à exprimer de la matière, pour prouver à l'homme qu'il est matière, alors automatiquement, il va y avoir des souffrances, des pathologies, des symptômes. Mais l'énergie de l'intelligence, l'énergie supramentale, entre autres, ne vient jamais perturber la corporalité de l'homme, ni la vitalité de l'homme. Elle ne vient perturber à peine que l'astralité de l'homme et la mentalité de l'homme, mais elle n'opère pas de maladie. De transformation. Disons que de temps en temps, certaines personnes peuvent voir une maladie dans le fait que leur corps s'améliore. Alors, c'est sûr que certaines choses doivent déboucher pour que les circuits méridiales, les circuits, disons, des méridiens, laissent couler l'énergie vitale plus librement, de façon à donner à l'homme une meilleure santé et une longévité, disons, un peu plus intelligente. Mais il n'y a pas de pathologie autre que dans la lutte que va opposer l'ego à la destruction, à sa destruction. Alors, ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes cardiaques qui peuvent régresser spontanément. On peut avoir des problèmes, disons, de diabète, qui sont des problèmes de circulation d'énergie vitale. On peut avoir différents mécanismes de... On en a déjà expliqué souvent. On peut avoir différentes pathologies, mais ces pathologies ne sont que l'expression de la lutte que va opérer l'ego, la poussée de l'ego pour empêcher l'énergie supramentale de venir descendre. Donc, évidemment, on peut dire que l'énergie supramentale finit à la longue par désagréger l'ego, et l'ego luttant va essayer d'incruster son identification dans la matière inférieure, évidemment, vu qu'il ne peut plus le faire dans la matière mentale qui est supérieure, car celle-ci sera habitée par l'énergie supramentale, par la conscience supramentale, et l'ego va donc essayer de porter son identification dans la matière inférieure, dans l'énergie vitale et dans l'énergie physique. Donc, on peut avoir des cancers, on peut avoir des maladies endocriniennes, on peut avoir un paquet de maladies qui sont des symptômes très bénéfiques de l'évolution de l'homme, donc du redressement de l'homme à la position verticale. Mais évidemment, c'est pas épeurant, ça va arriver de toute manière. De toute manière, l'homme qui n'a pas d'évolution, l'homme qui n'a pas de maladie causée par l'énergie supramentale, a plein de maladies causées par l'énergie astrale de toute manière. Alors, l'homme est malade de toute manière. Alors, tant qu'être malade, soyons malades vers la guérison. Mais habituellement, si la personne n'oppose pas trop de lutte, à de nouvelles visions. Parce que c'est quoi ne pas opposer de lutte à la conscience supramentale? C'est quoi? Ben, c'est simple. C'est qu'on ne doit pas opposer de lutte. On ne doit pas accepter non plus, évidemment. Mais on ne doit pas opposer de lutte à de nouvelles visions, à de nouveaux points de vue. Je ne parle pas du même point de vue stationnaire sur la même horizontalité. Je parle de nouveaux points de vue dans un ordre vertical. C'est-à-dire que je ne veux pas savoir, moi, que Dieu s'appelle Jéhovah et un autre me dit Dieu s'appelle Yahvé, alors je suis ouvert. Mais non, là, on est dans la même horizontalité. Je ne suis pas ouvert, je suis fermé. Cela va avec mes conceptions anti-destruction de l'ego. Je crois devenir planétaire parce que je dis que tous les hommes sont pareils. Mais les hommes ne sont pas pareils. Qui c'est qui a vu ici un homme pareil? Personne, il n'y a pas d'homme pareil, tous les hommes sont différents. Mais en essence, en si, puis en ça, puis bien loin, où ce qu'on peut pas le voir, on peut dire que l'homme est pareil. Mais moi, je vous parle que de ne pas opposer de résistance à la perception d'un autre ordre de vue, d'un autre point de vue dans une verticalité. C'est-à-dire que l'homme est le serviteur de Dieu. Alors, à un moment donné, on vient vous dire que l'homme n'est pas le serviteur de Dieu, que l'homme est le créateur de Dieu. C'est vertical, pas horizontal. C'est nouveau, c'est pas ancien, c'est pas transposé, c'est différent. Alors, il faut pas se dire, non. Il faut voir tout d'un coup que ce serait vrai. Et d'un coup que ce sera faux, il faut pas croire. L'homme est pas là pour croire, l'homme est là pour savoir. Alors donc, si je vous dis à un moment donné que l'homme est le créateur de Dieu, et que l'homme est Dieu, l'homme est Dieu, ça va. Ça, c'est de l'horizontalité, alors là, c'est ridicule. Je ne vous demande pas d'ouvrir vos vues à ce qui déjà existe sur la planète. Je vous demande d'ouvrir vos vues à ce qui vient neuf sur la planète, dans une verticalité. L'homme nouveau ne doit pas s'adresser à l'ancien, il ne doit pas s'adresser à ce qui est déjà établi. Il doit établir des choses. Et lorsque je dis que l'homme, par exemple, est le créateur de Dieu, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, c'est à vous simplement de diagnostiquer si cela est vrai ou cela est faux. Mais je ne vous demande pas de croire ce que je dis, je ne vous demande pas non plus de ne pas croire ce que je dis. Je vous dis simplement que vous devrez ouvrir vos perceptions. Votre ego, lorsqu'elle ne lutte pas trop contre la descente supramentale, doit simplement entrevoir les choses d'une façon de plus en plus haute, verticalement et non pas horizontalement. Donc, on ne va plus chercher la science en Orient, on ne va plus chercher la science en Occident, on ne va plus chercher la science dans le Midi, on va plus chercher la science nulle part. On essaie d'entrevoir de nouvelles choses. Et si c'est moi qui l'ai dit, cela peut être faux, cela peut être vrai. Je ne dis pas que des vérités, je ne dis d'ailleurs aucune vérité. Je dis des choses. Et c'est à l'homme de voir si ces choses sont ce qu'elles sont ou sont d'autres choses. Et c'est à lui de le décider, c'est pas à moi de lui dire. Mais vous devez ouvrir votre vision à des choses verticales et non plus à des choses horizontales. OK, ici, une autre super question, deux pages. Ça fait 4 minutes pour 2 pages. Wow, OK, on y va. Pas d'autres questions plus simples? Oui, peut-être. On pourrait peut-être revenir à un autre moment donné. J'en ai plusieurs ici, mais c'est sur la planète Terre. On va attendre la semaine prochaine ici. Bon. OK, celle-là ici. Pourquoi blâme-t-on l'ego de s'identifier à ceci ou à cela? L'ego tend-il à se personnaliser pour se sécuriser? Une personnalisation, est-ce une identification ou un échelon plus haut pour en arriver à une dépersonnalisation? Alors, il faut bien faire attention, évidemment. Le mot personnalisation peut être un synonyme très, très adéquat pour le mot identification. Mais l'identification, c'est lorsque nous nous personnalisons à partir de critères extérieurs. Nous nous identifions. Nous pensons que ce que nous voyons, c'est nous. Et la personnalisation, telle que moi je l'entends, c'est lorsque la personne arrive à déterminer elle-même les critères de son identification. Donc, c'est un pas supérieur à l'identification qu'on a, qui va amener la personne à une phase de contrôle et d'impersonnalisation, d'inidentification, etc. Alors, disons qu'on va pas trop loin. Mais l'identification, c'est lorsque vous dites « je suis un homme ». Vous l'avez appris. Vous vous servez de mots. L'identification, c'est lorsque, plus par l'expérience, donc par relation avec votre schéma mémoriel, vous finissez par dire « je crois avoir été ce que j'ai dans ma mémoire, donc je suis tout ça, je suis cela, je suis moi ». Ça, c'est de l'identification, c'est encore beaucoup plus illusoire que la personnalisation. Et il faut faire la différence entre la personnification et la personnalisation. La personnification, c'est lorsque nous prenons l'énergie et que nous la descendons dans le plan de l'humanité, nous disons que Dieu a une barbe, il a 2 yeux, est un homme. Nous disons que Dieu va venir nous aider, même s'il n'y a plus de barbe, plus d'œil, plus rien. On le personnifie. La personnalisation, c'est lorsque l'être arrive à être suffisamment autonome de la collectivité, donc de l'extérieur, qu'il est capable lui-même de créer la substance dans laquelle il va s'identifier. Mais l'identification, c'est lorsque l'homme accepte la substance créée par l'extérieur, donc par l'astral, par exemple, par la collectivité, par ce qui est à l'extérieur de lui, et il accumule cela dans ses mémoires, cette substance mémorielle, et l'homme dit « je suis tout ça ». Mais l'homme n'est pas ça. C'est comme de dire que le campeur, c'est le sac à dos. Pas le sac à dos. Et c'est pas non plus ce qui est dans le sac à dos. L'expérience que vous avez vécue, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous avez vécu. Mais l'homme s'identifie à ce qu'il a vécu. Et donc, l'homme se sert de la substance extérieure pour dire « je suis ». Mais lorsque l'homme se personnalise, c'est une phase supérieure, mais ce n'est pas la phase supérieure, évidemment. L'homme est capable, à partir de lui-même, de la connaissance fondamentale qu'il a dans son être-té, et cette connaissance lui est donnée par son esprit, elle lui est donnée par des intelligences qui sont supérieures au mental, et l'homme arrive à créer une substance qui pourrait être une substance aussi illusoire que le reste, mais qui est dégagée de la manipulation du reste, parce qu'elle n'est pas tributaire du reste, elle n'appartient pas au reste. Et lorsque l'homme arrive à créer sa substance, donc lorsque l'homme peut dire « je suis bon », mais pas en comparaison à l'extérieur, et pas en comparaison à des concepts qui sont nés du contact avec l'extérieur. Lorsque l'homme arrive à savoir plusieurs choses que je ne veux pas expliquer pour ne pas que l'ego s'imagine qu'il se personnalise alors qu'il s'identifie à ce que je dis. Là, ce serait de l'identification, encore une fois, ce ne serait pas de la personnalisation. Donc, tu es personnalisé lorsque tu n'as plus besoin de ta mémoire, lorsque tu n'as plus besoin de l'expérience pour savoir que tu es là, lorsque tu n'as plus besoin des autres, des miroirs des autres pour savoir qui tu es. Tu n'es pas nécessairement ce que tu vois, mais tu es dégagé de l'asservissement que tu avais avant avec les substances qui te permettaient l'identification. Votre corps physique est une substance extérieure dans laquelle vous vous identifiez. Votre expérience, votre vie expérientielle est une substance extérieure dans laquelle vous vous identifiez. Vos photos, ce sont des substances extérieures. Tout ce dans lequel l'homme s'identifie vient de substances extérieures et l'homme va passer prochainement à cette étape de personnalisation où il pourra créer la substance dans laquelle il va s'identifier. Et c'est différent. C'est un peu mieux, pas plus, un peu mieux, mais c'est un cheminement normal. OK, je vous remercie beaucoup, Daniel, pour toutes ces informations et vous autres aussi de votre bonne participation parce que de plus en plus, là, les questions, même le verso ne suffit plus. Fait que... Je vous rappelle que c'est peut-être ça que François allait vous rappeler pour demain. Oui, d'abord que la cassette maintenant est disponible, la deuxième partie, vous pouvez vous la procurer aussi au kiosque à cassette. Et de vous rappeler que si vous décidez de faire le PMC, là c'est le dernier moment pour s'inscrire, puisque c'est demain que débute le programme Maître Contrôleur, le prochain étant à la fin du mois d'août. Alors je vous rappelle également demain Raphaël Payeur et après-demain le Grand Symposium Initiatique. Non. Est-ce que c'est tout ? Alors merci beaucoup de votre attention, puis merci beaucoup Daniel Kemp et Guy Camiré.